La science CQFD, Natacha Triou. Mieux que les JO 2024, il y a l'année de la physique 2024. Pour l'occasion, on vous a préparé une semaine entière 100% quantique. Aujourd'hui, en quoi consiste la première révolution quantique et comment est-elle née ? C'est la meilleure théorie dont on dispose pour expliquer le comportement étrange de la matière au niveau atomique. L'ensemble de nos technologies de l'information et de la communication sont basées sur cette science formalisée en quelques décennies au début du siècle dernier. La physique quantique permet l'invention du transistor, des circuits intégrés ou du laser. Pour reprendre les mots de l'un de ses pionniers, Alain Aspect, c'est une révolution sociétale aussi importante que celle qui a été due à la machine à vapeur au 19e siècle. Comment l'humanité est-elle entrée dans l'ère quantique ? Physique quantique, mécanique d'une révolution. Michel Bibol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS en philosophie des sciences et aux archives Husserl de l'École normale supérieure et l'auteur de l'ouvrage Philosophie quantique paru en 2023 chez Mimesis. Charles-Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en physique théorique, chercheur à Paris au laboratoire de physique théorique de la matière condensée, maître de conférence à Sorbonne Université à Jussieu et l'auteur de l'ouvrage Schrödinger à la plage, la physique quantique dans un transat paru en 2022 chez Dunod. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Merci. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires. C'est maintenant sur notre fil @sciencesqfd. Alors, quelles ont été les prémices de la naissance de la mécanique quantique ? Quels sont ceux qui ont porté cette révolution ? Et quelles ont été les différentes étapes historiques de ce formalisme quantique ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec la voix de l'un des pionniers de cette histoire, celle de Louis de Broglie en 1955. C'est notre archive du jour. La géniale introduction par Albert Einstein des conceptions entièrement nouvelles de la théorie de la relativité, les vastes développements qu'il a donnés ensuite à ses idées primitives, ont assez souvent fait oublier d'autres aspects de l'œuvre du grand physicien. Je ne puis insister sur les travaux, pourtant fort importants, qu'il a consacrés aux fluctuations et aux mouvements browniens, mais je voudrais dire quelques mots au sujet des contributions capitales qu'il a apportées au développement de la théorie des quanta et de ses prolongements. On ne doit pas oublier, en effet, que ce fut pour ses travaux sur l'effet photoélectrique et les quantas de lumière que le prix Nobel de physique fut attribué à Albert Einstein en 1921. Au moment où Einstein entreprenait ses premières recherches, Planck venait, dans des travaux mémorables, d'introduire en physique la surprenante hypothèse des quantas et de montrer qu'elle seule permettait de retrouver les lois expérimentales de la répartition spectrale du rayonnement d'équilibre thermique dont les théories classiques n'étaient pas parvenues à rendre compte. Planck avait admis, troublante supposition, tout à fait en désaccord avec les conceptions les plus invétérées de l'ancienne physique, que les oscillateurs électroniques, qui à l'intérieur de la matière sont responsables de l'émission et de l'absorption des rayonnements, ne peuvent émettre l'énergie radiante que par quantité finie, par quanta, de valeur proportionnelle à la fréquence émise. Il avait ainsi été amené à introduire, comme facteur de proportionnalité, cette fameuse constante de Planck, la constante H, dont l'importance pour les phénomènes de l'échelle atomique n'a pas cessé depuis lors de s'affirmer chaque jour davantage. Voilà la voix de Louis de Broglie dans l'émission Soirée de Paris sur la RDF en 1955. Alors, on reviendra dans le détail sur l'hypothèse des quantas, mais là on entend Michel Bibol. On entend déjà dans cette archive quelques noms importants dans cette histoire, à commencer par son narrateur. Absolument, Louis de Broglie, qui est un des grands acteurs, effectivement, de la première révolution quantique. Et vous le savez, et on le dira tout à l'heure, qu'il a introduit en particulier une hypothèse de dualité onde-corpuscule pour la matière. Ceci dit, Einstein l'avait déjà introduite à sa façon pour la lumière, pour les quantas de lumière qu'on appelle maintenant des photons. Alors cette première révolution quantique, Charles-Antoine, qui sont justement, pour commencer un peu les présentations, qui sont les protagonistes de cette histoire ? Alors, il y en a toute une famille, hein. Contrairement à d'autres théories scientifiques pour lesquelles on peut dégager une ou deux personnalités, comme par exemple la relativité générale avec Einstein en figure de proue, ou l'électromagnétisme avec Maxwell, la physique quantique, c'est vraiment une assemblée de personnages, tous plus touchants. Là, on a entendu la parole de Broglie, mais ils sont très touchants, très amusants. Il y a plein d'anecdotes amusantes. C'était des gens qui étaient très... très perspicace par rapport à ce qui se passait d'un point de vue des révolutions de l'époque, c'est-à-dire du début du XXe siècle. Et donc, souvent, notre Planck, on cite Planck comme étant l'initiateur en 1899, ou plutôt 1900 pour arrondir. Mais en fait, on peut peut-être en discuter avec Michel, mais je pense que c'est plutôt Einstein qui, en 1905, a véritablement lancé cette révolution quantique. Après, il y a eu plein de noms, on va les voir pendant cette heure, avec évidemment De Broglie, avec Bohr, avec Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Pauli, etc., etc. On va découvrir justement toute la clique quantique. Mais avant ça, quand on parle de première révolution quantique, Michel Bilbao, en quoi ça consiste ? Eh bien, écoutez, c'est une transformation absolument extraordinaire qui s'est étagée sur plusieurs, disons, deux dizaines d'années, essentiellement. Et donc, il y a eu d'abord cette introduction de l'hypothèse des quantas, par Planck, mais de manière, comme l'a très bien dit Charles-Antoine, extrêmement encore hésitante, parce qu'il n'allait pas jusqu'au bout de l'hypothèse quantique, il se contentait d'introduire une hypothèse de découpage du continuum de l'énergie des émetteurs de rayonnement électromagnétique en petits segments. Mais c'est vraiment Einstein qui, d'ailleurs, avait, contrairement à Planck, une très forte imprégnation de la pensée atomiste, qui a introduit l'idée que le rayonnement électromagnétique lui-même était fragmenté en quantas de lumière et que du coup, on pouvait effectivement les appeler des photons, comme si c'était des particules qui se déplaçaient dans l'espace et qui, éventuellement, quand ils étaient contenus dans une boîte, devenaient un gaz de photons. Donc vraiment, l'essentiel de l'initiation de la mécanique quantique a été sans doute faite par Albert Einstein en 1905. Mais Charles-Antoine, justement, sur la particularité de cette toute première révolution quantique, parce qu'on verra, à la fin de cette émission, on verra quelle a été la seconde révolution quantique, mais d'abord, cette toute première. Alors, la première révolution quantique, donc, en fait, on peut la voir en deux étapes. Il y a une première étape de 1900 à 1925, à peu près, où ce qu'on appelle, c'est une sorte d'ère pré-quantique, où là, il y a tout un tas de gens très devenus célèbres et très doués qui ont défriché et qui ont permis l'avènement de ce qu'on a appelé après, donc la physique quantique, qui a été formalisée en gros entre 1925 et 1930. Et donc, pendant ce premier quart de siècle, donc il y a eu Planck qui a introduit cette idée de quantification des échanges d'énergie en 1900. Il y a eu Einstein après 1905 avec cette façon de voir un effet qui était un peu difficile à comprendre à l'époque, qui s'appelait l'effet photoélectrique. Et donc, il a interprété de façon réelle, réaliste, ces fameux quantas de lumière qu'on a appelés après photons. Et puis après, il y a eu donc Niels Bohr, l'un des grands messieurs de cette révolution quantique, cette première révolution quantique, danois, qui a été anobli après, et qui a véritablement, de par sa personnalité aussi, qui était très forte, il a vraiment guidé toute une troupe de scientifiques, de physiciens, et qui après, on va y revenir, mais qui s'est après opposé dans un deuxième temps à Einstein dans les années 30. Mais il faut insister vraiment sur le fait, et je suis d'accord avec De Broglie, je suis d'accord avec Michel Bidvoll, que Einstein, en fait, dans le langage commun, dans les livres de vulgarisation ou les émissions, on a tendance à l'opposer à la physique quantique, et en particulier à Niels Bohr. Alors qu'en fait, Einstein tout seul aurait pu avoir 3 prix Nobel pour ses apports à la physique quantique. Ce qu'il a fait en 1905, mais ce qu'il a fait en 1916, où il a introduit, c'est lui en fait qui a introduit la notion de probabilité intrinsèque dans la théorie, alors même qu'après, il s'y est opposé. Mais il avait cette grandeur d'âme, d'une certaine façon, de pouvoir questionner même les choses que lui-même avait amenées et qui avaient fait sa gloire. Alors pour comprendre justement comment Planck, en 1900, fait la toute première hypothèse des quantas, petit retour en arrière sur l'état de la physique du 19e siècle, enfin à l'aube du 20e siècle. À ce moment-là, Michel Pitbull, tous les phénomènes physiques trouvent une explication, peuvent être prédits quantitativement par des lois fondamentales simples, mais il y a quand même, on comprend plein de choses, mais il y avait quand même quelques problèmes à l'époque. Il y avait pas mal de problèmes. Enfin, évidemment, il y a toujours ces fameux deux problèmes de Thomson, qui sont la difficulté de rendre raison de l'expérience de Michelson et Morley, et en particulier de son résultat négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans la vitesse de propagation de la lumière dans le sens de déplacement de la Terre dans son milieu environnant, que l'on appelait l'éther. Et ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'était l'impossibilité, à l'époque, de rendre raison du rayonnement du corps noir. Et pour cela, Planck est célèbre parce que justement, en introduisant son hypothèse de quantification de l'énergie émise par les parois de ce corps noir, il a permis de rendre raison de quelque chose qu'on ne savait pas faire avant par la théorie électromagnétique habituelle. Ceci dit, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte à cette époque, c'était la connaissance des raies d'émission et d'absorption de la lumière par le soleil. Dès le début du 19e siècle, Fraunhofer a montré, en faisant, si vous voulez, en prenant le spectre de la lumière émise par le soleil, en utilisant par exemple un prisme ou un réseau de diffraction, il a montré que cette lumière, qui apparemment est blanche, se décompose d'abord en lumière de plusieurs couleurs. Mais à l'intérieur de la plage continue de ces couleurs, on peut dire, de cet arc-en-ciel, eh bien, il y a des trous. Il y a des endroits où il y a du noir. C'est ce qu'on appelle les raies de Fraunhofer. On ne savait pas ce que c'était. Puis, des gens comme, par exemple, Balmer, ont montré que ça correspondait aux raies d'absorption de l'hydrogène. Et du coup, on pouvait dire, ah ben voilà, le soleil est composé d'hydrogène. Mais pourquoi ces raies étaient-elles discontinues? Pourquoi ne couvraient-elles pas, si vous voulez, toute la plage des couleurs? Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, seul Bohr, en 1913, a permis d'en rendre raison par son modèle de l'atome. Son modèle de l'atome qui consistait à estimer que les électrons sont en orbite autour du noyau et que, de temps en temps, il y a un saut d'une orbite supérieure à une orbite inférieure par ces électrons. Et lors du saut des électrons, eh bien, il y a émission d'un quantum de lumière. Et lors du saut inverse, c'est-à-dire d'une orbite inférieure à une orbite supérieure, il y a absorption d'un photon de lumière. Et c'est ça, c'est cette absorption des photons de lumière par des atomes quantifiés qui expliquait les raies de Fraunhofer du Soleil et qui permettait, comme ça, d'expliquer comment on pouvait analyser chimiquement les étoiles, les planètes, ce que l'on fait de nos jours très couramment et qui est extraordinaire. Pour revenir, en effet, au tout départ quand même, avec cette hypothèse des quantas, Charles-Antoine, en effet, à ce moment-là, on n'arrive pas à expliquer le rayonnement du corps noir, c'est quelque chose qui est connu depuis des millénaires, les forgerons ou les verriers savent que la couleur des choses est directement reliée à la température, Planck travaille sur ce problème-là, et c'est comme ça qu'il propose donc l'hypothèse des quantas. Oui, c'est sûr que le 19e siècle était vraiment un siècle triomphant du point de vue de la science. C'était triomphant, c'était serein, c'était même très arrogant. D'ailleurs, on observe un petit peu la même chose en cette fin du 20e siècle, début du 20e siècle, avec beaucoup de choses qui sont remises en question également. Mais donc, en ce 19e siècle, tout poussait à croire que tout était en train d'être découvert. C'est-à-dire qu'on avait résolu le problème, par exemple, la question du magnétisme, de l'électricité et de la lumière. Maxwell, donc, c'est rigolo parce que c'est à peu près au milieu du 19e siècle, en 1864-66, Maxwell a montré que l'électricité et le magnétisme, c'était en fait la même chose, mais vu de deux façons différentes. Mais encore plus fort, il a montré que les ondes électromagnétiques, ce qu'on appelle, nous, ondes électromagnétiques aujourd'hui, c'est-à-dire la lumière principalement, étaient aussi liées au magnétisme et à l'électricité sous forme d'ondes électromagnétiques. Et donc, il a unifié ça. Donc, d'un point de vue des ondes, de l'humanétisme et de l'électricité, c'était déjà une victoire. Ensuite, il y a eu, au même moment quasiment, il y a eu le Verrier avec des prédictions de planètes, c'est-à-dire que au niveau de notre de ce qu'on pouvait faire au niveau de notre ambiance avec ces fameux magnétisme et l'électricité, on connaissait vraiment très bien. Au niveau du cosmos et des planètes avec cette prédiction de Neptune, en 1846, cette découverte, exactement où c'était prévu, une sorte de triomphe dans l'infiniment grand, en tout cas dans le très grand. Et puis au même moment, quasiment au même moment, Mendeleïev, un russe, et d'autres avant lui, ont montré que pas dans l'infiniment petit, mais en tout cas dans le très petit, ils ont compris que les éléments, ce qu'on appelait à l'époque les éléments, ce qu'on a appelé ensuite les atomes, pouvaient être classés. Donc finalement, on avait une sorte de vision globale d'ensemble, et comme disait Michel, il y avait seulement deux petits nuages, un petit nuage qui nous disait pourquoi on avait donc cette idée de vide, parce qu'on n'imaginait pas que les ondes puissent se balader dans du vide, se propager dans du vide. Et puis l'autre chose, c'était ce fameux corps noir, c'est-à-dire le rayonnement thermique émis par les objets. Quand moi, typiquement, nous tous ici, émettons un rayonnement thermique, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas la température du zéro absolu. Et donc ce rayonnement thermique, il est visible dans l'infrarouge, c'est un rayonnement électromagnétique dans l'infrarouge. Et c'est pour ça qu'il faut porter des lunettes infrarouges pour le voir, alors que le soleil, qui est aussi techniquement un corps noir, lui, il émet principalement un rayonnement thermique dans le jaune blanc. Là, voilà, donc Planck fait donc cette hypothèse des petits paquets d'énergie, la quantification, les échanges d'énergie entre matière et rayonnement se fait par paquet, par quanta, et à partir de là, donc on en revient à Einstein en 1905, qui s'empare de l'hypothèse de Planck et qui l'applique à la lumière. Plus tard, on appellera ça des photons. Oui, absolument, mais il l'a fait pour rendre raison, là aussi, d'une expérience qu'on ne comprenait pas bien. C'est l'expérience de l'effet photoélectrique. Et donc, qu'est-ce que ça implique, l'effet photoélectrique? Ben, ça implique une plaque de métal irradiée par de la lumière. Alors bon, ça peut être de la lumière visible, mais ça peut être sur du rayonnement X, ça peut être n'importe quoi. Bon, et cette plaque, sous l'effet d'une lumière suffisamment énergétique et suffisamment intense, elle va émettre des électrons et on va observer un courant électrique entre deux plaques métalliques. Mais il se trouve que ce qu'on ne comprenait pas à l'époque, c'est que au-dessous d'une certaine fréquence de la lumière ou au-dessus d'une certaine longueur d'onde de la lumière, quand la lumière est peu énergique, quand elle tend plutôt vers l'infrarouge que vers l'ultraviolet, eh bien ce processus ne se produit pas. Quelle que soit l'intensité de la lumière qu'on envoie, il faut atteindre un certain seuil de longueur d'onde ou de fréquence pour que tout à coup, paf, les choses se mettent en route. Et ça n'est explicable que s'il y a quantification, effectivement, de l'énergie, à la fois de la plaque métallique, des électrons dans la plaque métallique qu'on irradie, et de la lumière qui, elle-même, doit être composée non pas d'un continuum d'énergie, mais de petits grains d'énergie, chacun étant suffisant pour extraire, pour un électron, c'est-à-dire pour ioniser l'atome qui est dans la plaque métallique. Donc, effectivement, il fallait cette hypothèse-là, cette hypothèse de quantification de la lumière, pour rendre raison d'un effet photoélectrique. Et Einstein l'a fait, et voilà, le quantum de lumière était né. Il a été couronné effectivement par le prix Nobel en 1922 pour cette découverte-là. Et juste une petite anecdote, Schrödinger disait « Oui, mais Einstein, mon ami Albert, a eu le prix Nobel pour la seule erreur qu'il ait jamais faite. Pourquoi ? Parce que justement, considérer l'électron comme un corpuscule était probablement exagéré. Voilà, on y reviendra. » Einstein dit que la lumière se comporte bien comme une onde, mais sous d'autres aspects, elle se comporte comme une particule. Quand de Broglie voit qu'Einstein introduit sa dualité pour la lumière, il la propose pour la matière en 1923. On vous raconte tout dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Michel Bitbol et Charles-Antoine, on commence notre semaine spéciale quantique avec aujourd'hui le début d'une révolution radicale, la première révolution quantique. Nous venons de voir que cette physique quantique est née là où la physique classique était en échec. Comment, en 1909, Einstein a confirmé que la lumière, malgré ses propriétés ondulatoires, peut aussi être considérée dans certaines conditions comme formée de corpuscules, de particules. Et c'est là, Charles-Antoine, que en 1923, de Broglie apporte cet élément super simple mais révolutionnaire. Il montre ce qui était sous les yeux de tout le monde. Oui, et d'ailleurs, en 1905, quand Einstein a fait cette proposition de prendre pour argent comptant, en fait, l'hypothèse de Planck, en la considérant comme réelle, pour décrire en tout cas la quantification de la lumière, il a fait preuve de quelque chose de très, très spécial et très rare, parce que comme vous disiez, en fait, ce qu'a proposé de Broglie en 1923, ça flottait déjà dans l'air. Et bien, ce qu'a fait en 1905 Einstein, ça flottait aussi dans l'air. Et c'était tout le génie d'Einstein, en fait, d'arriver à voir ce que les autres ne voyaient pas alors que c'était devant leurs yeux. Et pour De Broglie, en 1923, donc 1923-24, il a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que une fois que qu'on étudie, une fois qu'on apprend, par exemple à l'université ou même avant, ce qu'a fait De Broglie, on est un peu saisi de surprise en se disant mais c'est si simple, comment ça se fait que ça n'a pas été découvert à l'époque ? Eh bien en fait, toute cette époque-là, donc entre 1920 et 1926 à peu près, toutes les découvertes, quand on les voit avec nos yeux d'aujourd'hui, semblent parfois assez simple, assez évidente, mais il y avait plein de ruptures, de changements de paradigme, de changements de façon de penser. Et De Broglie a fait ça, et c'est-à-dire qu'il a fait, il a émis une hypothèse qui nous semble aujourd'hui assez simple de dire, eh bien, puisqu'en 1905, il y avait cette dualité, c'est-à-dire de dire que la lumière pouvait avoir à la fois, enfin, dans certaines situations expérimentales, un comportement ondulatoire ou corpusculaire, eh bien, il s'est dit, pourquoi on n'aurait pas la même chose pour la matière? Mais c'était un peu plus subtil que de dire que la matière, parfois, se comporte comme une onde, ou parfois comme des corpuscules, c'était d'associer un aspect onde. Et c'est tout l'idée après de la physique quantique d'arriver à comprendre quel est cet aspect onde. Michel Dibble. Juste une petite précision par rapport à ce qu'a dit Charles-Antoine, c'est que c'est pas si évident que ça d'associer une onde à, à un corpuscule. Effectivement, Einstein avait d'un côté la nécessité d'introduire le corpuscule lumineux pour rendre raison de l'effet photoélectrique, et de l'autre, il savait depuis longtemps que la lumière se comporte comme une onde. Alors comment faire ? Et lui-même en était ébahi. Il ne comprenait pas comment c'était possible. Et il dit en 1908, une chose incroyable, il dit « Cela semble impossible d'associer onde et corpuscule, mais Dieu semble avoir trouvé un truc. » De même qu'après, il a dit que Dieu ne joue pas au dé, vous le savez. Et après, il a dit « C'est tellement bizarre que ça doit être impossible et que donc l'avenir de la physique montrera que ça n'existe pas. » C'est ce qu'il avait dit en 1911. Mais De Broglie, qui avait l'oreille de son frère Maurice De Broglie, un certain congrès Solvay de l'époque, a dit « Ah oui, mais en fait, cette chose impossible que Einstein a postulée pour la lumière, c'est-à-dire l'association onde-corpuscule, eh bien, je pense qu'en vérité, il faut l'associer à tous les objets matériels. » Et donc, c'est comme ça. Louis De Broglie, au lieu d'accepter l'impossibilité d'Einstein, a considéré que cette impossibilité, entre guillemets, devait être étendue à tout, non seulement lumière, mais matière. Voilà, c'est l'une des idées révolutionnaires dans l'histoire de la mécanique quantique, c'est ce concept d'onde de matière. On continue d'en parler avec vous, Céline Lozen, pour le reportage du jour. Bonjour Céline. Bonjour Natacha. Vous êtes allée aux étincelles du Palais de la Découverte pour observer par vos yeux ce phénomène. Et oui, par la diffraction des électrons mettant en évidence la nature duale de la matière, à la fois onde et corpuscule. Ce dualisme était donc connu pour la lumière et en 1923, Louis de Broglie, comme on a dit, généralise cette idée aux particules de matière. Son hypothèse sera vérifiée 3 ans plus tard par les physiciens Davison et Germer, dans une expérience que nous dévoile Emmanuel Sido, médiateur scientifique, à travers les figures d'interférences circulaires, signatures d'une nature ondulatoire. Les électrons ont été découverts en 1895 par un appareil de Zorzi, c'est-à-dire une ampoule en verre, dans laquelle on avait enlevé tout l'air qui pouvait faire obstacle au passage des électrons. Et puis surtout, ce qu'on a réussi à comprendre, c'est qu'en faisant passer un fort courant électrique dans un morceau de métal fin, un fil de métal très très fin, on arrivait à le chauffer suffisamment pour que des électrons sortent. Et à partir de là, dans ce vide poussé au sein de nos ampoules de verre, on pouvait imaginer avec deux bornes d'une pile, deux électrodes, c'est le nom consacré, appliquer un voltage qui allait accélérer ces électrons. Donc on arrive à générer des faisceaux d'électrons, des sources? C'est ça, hein, comme un tir de mitraillette d'électrons, et on les envoie ici sur une cible, c'est souvent ce qu'on faisait, une cible fluorescente, dont on sait que, à part l'impact d'un électron suffisamment énergique, avec suffisamment d'énergie, on arrive à faire briller la truc fluorescente. Il faut les accélérer suffisamment. Quelle est l'idée derrière cette expérience quand Louis de Broglie explique en 1924 son idée, comment il l'étaye déjà juste d'un point de vue conceptuel? Alors, les deux modèles des particules, donc des petits grains que l'on projetait comme les balles d'une mitraillette, ou des ondes, s'était déjà posé, et il y avait un grand débat en physique, depuis Newton, donc la fin du XVIIe siècle, jusqu'encore au milieu du XIXe, à propos de la lumière. Il y avait deux modèles, et on rivalisait notamment en France entre le modèle particulaire et le modèle ondulatoire de la lumière. Aujourd'hui, on sait qu'on arrive à expliquer les phénomènes de diffraction que par des choses qu'on modélise par des ondes. C'est-à-dire, si vous tirez tous, tout un tas de particules dans la même direction, au travers d'une cible, ce que vous allez obtenir, si ce sont des particules, c'est que de manière continue, c'est-à-dire que vous verrez une trace d'impact au mur où les choses sont distribuées, tandis que si ce sont des ondes, vous allez avoir des zones où des balles arrivent, des projectiles arrivent, et des zones où elles ne le font pas. Typiquement, dans cette configuration-là, la plus simple, vous allez voir des anneaux où des projectiles arrivent, et des bandes, toujours circulaires, auxquelles elles n'arrivent pas. Puis à nouveau, un cercle où les projectiles peuvent arriver, et là pas. Ça, ça ne s'explique que par des ondes. Et c'est ce que les électrons font dans cette machine. En fait, ça ressemble au résultat obtenu par Thomas Young avec ses fentes. Absolument. Sauf que c'est de la lumière. Voilà, c'est de la lumière, et c'est orifices. Alors, c'est pas de la lumière, mais l'idée, c'est toujours de faire passer, cette fois, des électrons, mais au travers d'une barrière avec des petits trous. L'idée qu'on développe, c'est qu'on sait à la même époque que la plupart des matériaux solides, et nombre de matériaux solides, sont faits de cristaux. Et évidemment, là où il y a des atomes, la lumière risque de faire tout sauf traverser librement. Par contre, entre les atomes, elle va pouvoir passer. En s'y prenant bien, avec une grille d'un pas donné, correspondant à la longueur d'onde que l'on recherche, on peut arriver à la faire diffracter. Le carbone du graphite a une très bonne propriété. Son pas est de quelques angstroms, comme la plupart des cristaux. Quelques dixièmes, 10-10. Quelques dixièmes de nanomètres. C'est la bonne taille. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Alors, on ne voit sans doute pas le carbone parce qu'il est enchâssé à l'intérieur de ce cercle métallique. Le faisceau électrique est en arrière. On peut l'allumer, ce qui va faire chauffer le filament avec quelques volts. C'est 6 volts alternatifs ici. Et puis après, on va mettre quand même beaucoup plus de volts, quelques milliers de volts, pour les accélérer suffisamment pour que la longueur d'onde de Broglie ne soit pas trop grande. Si elle est trop grande, les trous seront trop petits, on verra bien. Plus les choses vont vite, plus la longueur d'onde se raccourcit. On l'allume ? On l'allume. Donc là, j'ai 6 volts simplement. Seulement une petite résistance, un tout petit grille-pain pour faire chauffer un très très fin fil, ça va suffire. On doit commencer à le voir briller. Là, vous le voyez à la fin, le filament. Oui, il brille. Et maintenant, avec un autre interrupteur et un autre potentiomètre, j'ai réglé cette fois la tension cathodique avec laquelle je vais accélérer les électrons pour qu'ils partent tous dans le même sens, de 0 à 7000 volts ici. Donc là, on voit déjà une légère tache. Mais maintenant, voilà, à 1000 volts, je commence à avoir une tache verte, là où les électrons frappent. Donc j'ai un faisceau, mais c'est pas une tache microscopique, ça fait 2 mm de diamètre. Ça s'intensifie, oui. Il y a un peu d'éparpillement, d'abord parce qu'il reste un petit peu d'air, d'abord parce que les électrons se repoussent, ce faisceau s'évase. Mais voilà, on a une tâche assez précise pour faire une expérience à l'œil nu. Et si j'augmente les volts, eh bien beaucoup plus d'électrons vont être envoyés dans la même direction, il y en a beaucoup plus qui passeront par le trou. Et il y en aura assez qui passeront par ces tout petits trous que sont les trous entre les atomes de carbone. Et un voltage suffisant, qui est la valeur naturellement que j'ai mesurée, ce qu'il faut, un demi-tour de mon potentiomètre, je ne sais pas le voltage, là je commence à voir apparaître des anneaux, les franges d'interférence, comme la lumière, qui passerait au travers d'un réseau, par exemple comme la lumière qui passe soit au travers de votre pupille, soit tout simplement au travers des mailles de votre rideau, de vos voilages. Voilà, au travers d'un rideau, ou au travers d'un tout petit trou, beaucoup d'électrons, beaucoup d'ondes en même temps, ça fait cette structure-là, en anneaux. Et ça, pour un physicien, ça veut dire, mes électrons, ils forment une onde, il y a une onde associée. Pour plein de choses, je dois les considérer comme des particules, par exemple, déviés par un aimant, ils dévient tous pareil, chacun des petits individus qu'il y a dans ce faisceau sont les mêmes, sont des particules égales, mais il y a manifestement un phénomène d'onde associée. Et ça, c'est très puissant parce que quand on met en évidence, quand on a la preuve qu'il y a une onde de matière, là, ça ouvre un champ pour les développements de la mécanique quantique avec les développements de Schrödinger et son équation, par exemple. Ça permettait d'analyser l'idée de M. Planck qu'il y avait des quantas, les autres idées de M. Einstein, en utilisant des formules mathématiques qui ont été développées pour les phénomènes ondulatoires en mécanique. La notion d'Hamiltonien, sur lesquels se fondent totalement l'équation de Schrödinger. Ce sont des formalismes mathématiques qui ont été développés, qui s'adaptent bien aux choses ondulatoires. Le fait que ce soit des ondes permet d'utiliser ces outils-là et d'avoir des solutions aux questions qu'on se pose mathématiquement. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Charles-Antoine, pour compléter ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage, quelles ont été les implications de ces expériences par la suite ? Alors les implications de ces expériences suite à la proposition de Broglie ont été vraiment fondamentales parce que comme je disais tout à l'heure, ça, c'était un peu dans l'air à l'époque. Et en fait, ça a permis de, comme disait Einstein, de soulever un peu un coin du voile, du grand voile, et d'avoir une approche un peu plus convaincue qu'il se passait des choses un petit peu, alors pas étranges, parce que ce mot-là commence à être banni du langage des physiciens, mais un petit peu différente. Et en fait, la physique quantique, en fait, de Broglie, on estime aussi que c'est lui qui a initié le grand mouvement de ces années 1920 en faisant voler en éclats toutes nos certitudes. Et c'est vraiment une des caractéristiques de la physique quantique, de faire voler en éclats toutes nos certitudes, sous-entendu classiques, sur l'espace, sur le temps, sur la matière, sur la lumière, comme on en parlait, sur l'absence aussi, l'absence de matière et de lumière, ce qu'on appelle le vide, le fameux vide quantique, mais aussi sur notre moyen d'accès à ce monde, un moyen d'accès qui n'est plus vraiment objectif, qui est un peu plus participatif, et en tout cas, qui vient questionner notre façon de décrire le monde, de le prédire, de l'expliquer. Et finalement, la physique quantique, dans cette première révolution de la physique quantique, est à la fois une révolution de compréhension de ce qu'on appelle le réel, mais encore plus une révolution dans notre façon de faire de la science, de notre façon de décrire le monde avec ce qu'on appelle, ce que Bachelard appelait, la méthode scientifique. Michel Bibel. Oui, alors effectivement, ça c'est très important ce que vient de dire Charles-Antoine. On est passé d'un univers d'objets séparés à un univers participatif. Comment ça se manifeste dès cette question de ce qu'on appelle la nature ondulatoire des particules? Ben justement, il y a un problème. Et là, je prends ma casquette de philosophe et j'enlève ma casquette d'historien. Et je dis, quand on a vu pour la première fois des effets, disons, de diffraction ou d'interférence qui pouvait être mise en évidence sur les électrons, on a fait l'analogie suivante. On s'est dit, puisque lorsque je fais interférer deux ondes, ça donne ces figures-là, alors le fait d'observer de telles figures pour les électrons implique que les électrons ont une nature ondulatoire. Mais le raisonnement ne vaut pas. C'est pas parce que, si vous voulez, vous avez un objet comme les ondes qui donne un certain effet, quelque chose d'autre donne le même effet en apparence, alors les deux objets ont la même nature. Non, la conséquence ne suit pas. Alors il faut réfléchir à une autre explication possible. La première explication qui a été donnée, c'était Bohr qui l'a donné en 1927 en remplaçant l'idée de De Broglie d'une dualité de nature ondulatoire et corpusculaire par l'idée d'une complémentarité, non pas de nature mais d'apparence, entre apparence ondulatoire et apparence corpusculaire. Sous certains aspects, ça apparaît comme une onde, sous d'autres aspects, ça apparaît comme un corpuscule. Et c'est peut-être ni l'un ni l'autre. Alors, très intéressant et très important, à la même époque, il y a eu des gens qui ont montré qu'on pouvait obtenir des effets exactement identiques sur le plan formel à ceux des ondes, par exemple des effets d'interférence et des effets de diffraction, si simplement on fait interagir des objets avec un réseau de diffraction de façon quantifiée. Ce qui veut dire que la vraie explication de l'apparence ondulatoire de ce que l'on voit sur un écran n'est pas que les électrons ont une nature ondulatoire, mais qu'ils interagissent avec quelque chose et qu'il est impossible de les séparer de cette interaction. Il est impossible de s'abstraire de leur contexte de mesure. Et donc la vraie explication, c'est ce qu'on appelle la contextualité ou le côté participatif des observations. On va revenir sur ça, mais un tout petit retour en arrière, parce qu'en effet, en 25, Heisenberg élabore en seulement 10 jours un nouveau formalisme baptisé mécanique quantique. C'est dans les années 25-26 hein, que un modèle cohérent est mis en place avec Heisenberg qui propose la mécanique matricielle, puis Schrödinger, la mécanique ondulatoire, Charles-Antoine. Alors oui, et donc il y a vraiment eu deux voies d'exploration et de découverte de la physique quantique dans ces années 1923, 24, 25, 26, 27. Donc, une à la suite de De Broglie, justement. Ça va être la voie suivie par Schrödinger et même historiquement avec une petite anecdote où il devait présenter les travaux de Schrödinger devant un parterre de physiciens et il a eu une remarque un peu acerbe d'un des grands physiciens de l'époque qui lui a dit, mais vous parlez d'une onde, mais c'est quoi l'équation d'onde de cette onde mystérieuse dont vous parlez? Et ça a un petit peu vexé Schrödinger et durant le Noël 1923, 1925-1926, il a créé l'équation qui porte son nom et qui est vraiment l'équation fondamentale de la physique quantique. L'autre branche de description de, la, de cette physique quantique, ça a été la branche suivie par l'école de Copenhague, avec Bohr en, en maître d'œuvre, mais donc par, par Heisenberg. Et en fait, je disais tout à l'heure, je parlais d'Einstein, mais en fait, c'est vraiment dans la suite logique des travaux d'Einstein. En 1916, Einstein, donc comme ce qu'on disait tout à l'heure, comme ce que disait Michel tout à l'heure vis-à-vis des interactions lumière-matière, Einstein, en 1916, a montré que les interactions entre la lumière et la matière pouvaient être décrites par des tableaux de nombres qui disaient quelle lumière pouvait être absorbée et de quelle façon. Eh bien, ces tableaux de nombres, qu'on a appelés après des matrices, Heisenberg les a prises, un peu comme Einstein avait fait la même chose entre 1905 et 1900, où il avait pris au pied de la lettre les, la fameuse constante de Planck et la quantification donc de Planck. Heisenberg a pris au pied de la lettre ce qu'avait fait Einstein en disant « Ces tableaux de nombres, en fait, ça décrit pas forcément, ça décrit pas que les interactions entre lumière et matière, peut-être que c'est uniquement ce que l'on peut dire sur la matière et sur la lumière. » Et donc il a fait une sorte de processus d'abstraction en disant ben, supposons que en fait on ne puisse décrire cette matière, donc par exemple des atomes, que par ces fameux tableaux de nombres, et que ce qui est observable, ce qui est mesurable, ce n'est plus les vieilles notions classiques de position, de vitesse, d'énergie, etc., mais c'est que des choses qu'on va pouvoir extraire de ces tableaux de nombres qui ont été après reconnus comme des matrices. Et donc quand on parle d'Heisenberg, sa démarche sous forme de mécanique matricielle, il faut bien évidemment pas oublier Born et Jordan. C'était vraiment un trio qui ont été complétés par Paoli et Dirac la même année, en 1925. On va arriver au congrès de Solvay en 1927, là où toutes les pistes sont mises en place. C'est le théâtre de la confrontation entre Albert Einstein et Niels Bohr, le duel entre les deux plus grands scientifiques de l'époque, un duel qui s'annonce épique. On vous raconte tout dans quelques instants. Du groupe Jean-Paul Sartre Expérience, en direct sur France Culture, car nous parlons d'Einstein, mais aussi de toute la clique des pionniers de la physique quantique. On en parle avec nos deux invités du jour, Michel Bitbol, directeur de recherche émérite au CNRS en philosophie des sciences, aux archives Oursel de l'École Normale Supérieure, et Charles-Antoine, docteur en physique théorique, chercheur au laboratoire de physique théorique de matière condensée et maître de conférence à Sorbonne Université. Nous venons de voir comment la physique quantique fut initiée par Max Planck, Albert Einstein, puis élaborée par Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Paul Dirac et Niels Bohr. Le point clé de tout ça, c'est que les objets ont un comportement dual. Des particules, les électrons, les protons, les atomes ont aussi un comportement ondulatoire. Voilà, on arrive donc en 1927 dans cette histoire et la communauté des physiciens est divisée en deux camps, Michel Bitbol. Oui, tout à fait, effectivement. Enfin, il y a peut-être plus que deux camps, mais bon, le débat qui a marqué l'histoire, c'est celui entre Bohr et Einstein. Et Einstein avait envie, si vous voulez, de montrer que la mécanique quantique était incomplète. et qu'elle n'était au fond qu'une description purement statistique, c'est-à-dire collective, d'un ensemble, soit de photons, soit d'électrons, ou de particules un peu plus grosses. Et alors que Bohr estimait que c'était, non pas, je dirais, une description complète de la réalité, la mécanique quantique, mais un symbolisme qui était capable de prédire tous les résultats possibles d'expériences faisables en laboratoire. Vous voyez déjà que dans la définition de ce que recherchent les deux physiciens, on n'a pas la même exigence. Einstein voudrait que la théorie physique décrive non seulement les collectifs d'électrons et de photons, mais les individus photons et électrons. Et si on dit que cette fonction d'onde de Schrödinger n'est pas simplement la description d'un nuage d'électrons, mais la description d'un seul électron, il y a quelque chose qui cloche. Einstein disait, par exemple, supposez que vous envoyez une onde censée représenter un électron sur un écran, et tout à coup, crac, vous ne voyez plus qu'un point. Comment cette onde qui était dispersée dans tout l'espace a pu se concentrer instantanément en un point? C'est pas possible. Donc, il y a un problème. Donc, la mécanique quantique n'est pas complète, etc., etc. Vous voyez? Et Bohr, à chaque fois, lui répondait, oui, mais la mécanique quantique est capable de rendre raison au sens prédictif de toutes les expérimentations possibles au laboratoire. Bon, ensuite, il y a eu le débat, vous savez, sur savoir justement est-ce que la mécanique quantique, on doit admettre son indéterminisme comme une caractéristique ultime et fondamentale, ou est-ce que il faut considérer que cet indéterminisme est seulement dû, encore une fois, à notre connaissance incomplète. Et donc, il y a toutes ces questions qui se posent en 1927. Et les décennies qui ont suivi, c'était des décennies, de victoire en grande partie de Bohr. Mais ensuite, il y a eu un rebond des idées d'Einstein. Et ensuite, maintenant, de nouveau, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, un re-rebond des idées de Bohr. Voilà. Oui, grâce aux expérimentations qu'on va évoquer dans quelques instants. Mais voilà, en mécanique quantique, le hasard intervient dans les mesures. C'est ce qu'on appelle donc un indéterminisme de la mesure. Et ça, Einstein n'aime pas du tout cette idée de hasard fondamental qui déciderait des résultats des mesures, Charles-Antoine. Oui, ça c'est pour ça qu'on lui attribue la phrase « Dieu ne joue pas au dé » et Bohr lui répondait « Mais qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ou ne pas faire ?» Et c'est vrai que ce hasard intrinsèque, c'est-à-dire du pur hasard, souvent le hasard, je le vois avec mes étudiants à Sorbonne Université, à Jussieu, c'est difficile de comprendre ce que c'est que le hasard. Parce que quand on parle de hasard, on imagine des choses qui arrivent de façon complètement désordonnée, sans aucune structure. Or, tous les hasards qu'on constate expérimentalement sur Terre pour l'instant sont des hasards structurés. C'est-à-dire que le hasard que vous faites avec du pile ou face, eh bien c'est un hasard qui est vraiment structuré sous forme de 50% de chance de tomber sur pile, 50% de chance de tomber sur face. Pour un dé, c'est une chance sur 6, une sur 6, etc. Il y a des hasards qui sont un petit peu structurés de façon un peu plus différente. Par exemple, le hasard du temps d'arriver dans une queue quand vous faites la queue d'une file. Eh bien, tous ces hasards-là que je viens de décrire, en fait, ce sont des pseudo-hasards, des faux hasards. Ce sont des hasards parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens de calcul, typiquement, pour arriver à déterminer le résultat attendu. Par exemple, si je jette un dé sur une table, eh bien, si je connaissais exactement avec une caméra ultra rapide le mouvement, la position, la vitesse du dé, la position et la vitesse de toutes les molécules d'air de l'ensemble qu'il y a autour de la table, la surface de la table, etc., etc., je serais capable de prédire à 100% le résultat possible. Et donc, ce hasard n'est qu'un hasard en apparence. Le hasard de la physique quantique est un vrai hasard. Un hasard intrinsèque. Et ça, c'est très problématique, et c'est pour ça que lorsque les gens ont cherché à interpréter ce langage étrange de la physique quantique, ils ont amené cette notion d'interprétation qu'il n'y avait pas ou très peu jusqu'alors, et que l'interprétation dominante actuellement est la fameuse interprétation des mondes multiples, des univers parallèles, parce que les physiciens d'aujourd'hui n'arrivent pas à accepter l'idée d'un vrai hasard. Parce que qui dit vrai hasard suppose une intervention transcendante, extérieure, comme un dieu qui déciderait pour nous. Et donc c'est plus agréable du point de vue de la pensée rationnelle de se dire, eh bien tant pis, on préfère faire l'économie d'un dieu en supposant que chaque résultat au hasard dans notre monde est en fait se décline dans différents mondes parallèles. Michel Bibel, justement pour éliminer l'idée de hasard, Einstein défend la vision des variables cachées. Il y aurait des variables supplémentaires qui conditionnent les résultats des mesures. Alors, il me semble que Einstein ne l'a pas personnellement défendu cette idée, mais il la sous-entendait. Effectivement, il fallait imaginer que quelque chose sous ce hasard apparent était effectivement déterminé à la manière dont les dés dont a parlé Charles-Antoine sont en vérité déterminés, puisqu'on pourrait les calculer entièrement si on connaissait tous leurs paramètres. Donc Einstein imaginait que quelque chose comme ça devait avoir lieu, mais sans l'expliciter. Il a fallu attendre 1952 et David Bohm pour donner enfin une théorie à variables cachées complète qui était capable effectivement de rendre raison d'un certain nombre de phénomènes quantiques par un modèle qui par ailleurs était gouverné par des équations déterministes. Bon, alors est-ce que ce modèle doit être accepté ou non ? En vérité, ce modèle, il a beaucoup de qualités, mais il a aussi quelques défauts. L'un d'entre eux, c'est de ne pas s'appliquer vraiment au-delà de la mécanique quantique standard non relativiste. Et puis d'autres défauts, c'est de supposer que les particules ont des trajectoires parfaitement déterminées, même si, lorsque on essaye de les mesurer, de par la théorie de Bohm elle-même, l'approche de l'appareil de mesure va complètement les perturber, changer leur devenir. Et donc, on a l'impression que c'est une théorie qui postule des trajectoires cachées, alors même que, justement, ça n'a pas beaucoup de sens de le faire si une simple mesure va nous la dissimuler, nous empêcher de la voir complètement. Et donc, on postule quelque chose qu'on ne peut pas voir. Voilà. Le paradoxe EPR pour Einstein, Podolsky, Rosen, écrit en 1935, hein, c'est cette expérience de pensée qui a été considérée comme un orage de la physique du XXe siècle, bord à l'intuition que la description quantique de la réalité physique peut être considérée comme complète, que la mécanique quantique est complète, mais ça, il ne pourra pas le démontrer, il faudra attendre quelques décennies, Charles-Antoine. Oui, et la question n'est toujours pas complètement tranchée. Il y a encore plein de zones. On va pas dire zones d'ombre parce que c'est plutôt des zones lumineuses. Parce que généralement, quand on est scientifique, dès qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu gêner, un petit caillou dans la chaussure, c'est le moyen de nouvelles découvertes. Donc on est plus, quand on est scientifique, plus enthousiaste quand il y a un truc qui grince, qui ne fonctionne pas. Alors oui, par rapport au paradoxe EPR, c'est sûr que entre 1927, on va dire en gros l'avènement à peu près définitif de la physique quantique, après jusqu'en 1930, il y a eu pas mal de recherches mathématiques pour arriver à consolider cette physique. Et puis dès le début des années 30, il y a une bifurcation. Il y a les gens comme Bohr, comme Einstein, comme Schrödinger qui vont rester sur la réflexion des concepts de la physique quantique avec des expériences de pensée, des expériences qui sont pas réelles mais des expériences qu'on peut imaginer. Donc l'expérience d'EPR, je peux laisser Michel en parler, l'expérience du chat Schrödinger qui est très proche aussi dans son esprit de cette expérience-là. Et donc ça, c'est une première branche de physiciens qui se sont intéressés à ça. Et il y a eu une scission parce que en ce début des années 1930, 1932 typiquement, on a commencé à découvrir des particules qui n'auraient pas dû être là. C'est-à-dire, on a découvert le neutron, donc ça on s'y attendait un petit peu, mais ça a quand même été surprenant. Et puis le positron, donc la particule, l'antiparticule associée à l'électron. Et donc cette découverte de ces deux particules a fait jaillir une autre direction qu'on a appelée la physique des particules. Et donc entre la physique, ce qu'on appelle des basses énergies suivies par Bohr, Einstein, Schrödinger, etc. et cette physique des particules qu'on appelle la physique des hautes énergies, il y a vraiment une scission. Et donc les scientifiques ont dû un peu choisir leur camp, en tout cas pas leur camp, mais leur façon, leur démarche scientifique. Et en plus de ces deux directions-là, il y a eu la troisième direction qui a été la révolution technologique dont on n'a pas encore parlé. Je sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais une révolution technologique majeure. La physique quantique, c'est pas juste une théorie, c'est peut-être un peu dur de dire ça, une révolution conceptuelle, c'est aussi une révolution technologique majeure qu'on a rarement vue dans l'humanité. Oui, c'est en effet cette révolution technologique, on y reviendra demain. Michel Bibel, vous voulez compléter ce que venait de dire Charles-Antoine? L'expérience d'Einstein-Podolsky-Rosen, il faut la replacer dans son contexte en 1935. En 1935, il y a un autre article très important qui a été publié par Erwin Schrödinger, qui est l'article de l'intrication, ou entanglement en anglais. Alors, pour décrire très rapidement ce que c'est que l'intrication ou l'entanglement, il suffit de citer Schrödinger. Et Schrödinger dit « Le tout est dans un état, mais pas les parties. » Ou encore, la meilleure connaissance de l'état du tout n'implique pas la meilleure connaissance de l'état des parties. Autrement dit, il y a quelque chose d'impossible à disséquer ce tout en parties. À partir de là, Einstein essaye de monter un argument contre le caractère fondamental des relations d'incertitude de Heisenberg. Vous savez que les relations d'incertitude, c'est que si vous mesurez la position, vous ne pouvez pas bien prévoir et connaître la vitesse et réciproquement. Mais Einstein dit, mais supposez maintenant un couple de particules et non pas une seule particule, et un couple de particules intriquées, de telle sorte que si vous avez mesuré la position sur l'une, vous pouvez prévoir de façon extrêmement précise la vitesse de l'autre et réciproquement. D'accord. Bon. Donc, il en déduit que, finalement, en combinant la connaissance expérimentale de l'une des variables et la prévision de l'autre, vous pouvez avoir une connaissance très précise des deux. Et il dit que prévoir avec certitude une variable comme la vitesse, ça veut dire que la particule dont on prévoit la vitesse a cette vitesse comme élément de réalité. On ne peut pas s'en abstraire, d'accord ? Donc, il en déduit que les relations d'incertitude de Heisenberg sont violées par ce couple de particules intriquées, alors qu'elles ne pouvaient pas l'être par une seule particule. Vous voyez ? Bon, et Bohr, si vous voulez, rapidement, la réponse de Bohr, elle est toujours dans la même tonalité. C'est-à-dire, ok, tu as raison Einstein, on considère que le simple fait de prévoir une variable, ça veut dire que cette variable est possédée par la particule sur laquelle on la prévoit, alors tu as raison. Mais c'est pas vrai, parce que prévoir, ça n'a de valeur que si on peut effectivement effectuer l'expérience qui correspond à cette prévision. Si on ne peut pas, ça n'a aucune valeur. Et donc, lui, il répond à Einstein, la mécanique quantique peut être considérée comme non pas ontologiquement complète, mais épistémologiquement complète. Elle n'est pas complète pour le rêve de spécification complète des choses que fait Einstein, mais elle est complète pour l'expérimentateur. Elle est complète pour, au fond, le concret du travail quotidien du physicien. Et c'est tout ce qui compte, selon Bohr. Alors tout ça reste très théorique jusqu'à ce qu'en 1964, au CERN, le physicien John Bell, physicien irlandais, montre que le débat entre Bohr et Einstein peut être tranché par des expériences, que ce débat épistémologique va justement trouver une réponse au laboratoire, et ce sera chose faite en 1972, 1982, 1988, avec les expérimentateurs qui se mettent au travail avec ces trois générations d'expérience, Charles-Antoine. Exactement, ça a vraiment été... John Bell, il est venu en 64 et il a mis un petit pavé dans la mare puisque il a amené les scientifiques de l'époque à pouvoir trancher un débat qui était pensé philosophique. Et en fait, ce qu'il a vraiment donné à comprendre, c'est que on pouvait, même si le problème semblait être juste posé philosophiquement, on pouvait imaginer une expérience ou toute une catégorie d'expériences avec une inégalité mathématique à vérifier dans un cas et pas dans l'autre. Et donc les scientifiques se sont mis à créer des expériences, typiquement la plupart du temps c'était avec des photons, maintenant aujourd'hui on fait avec des photons, mais avec des atomes, etc. Donc comme disait Michel, intriqués. Et donc on regardait, au bout d'un on les intriquait, après on les laissait évoluer pour qu'ils soient séparés d'une distance assez grande pour qu'il n'ait pas de communication direct, classique, par de l'électromagnétisme, typiquement par de la lumière, et on a pu montrer que ces résultats d'expérience étaient non locaux. Voilà, justement, on va parler de ce passage à la seconde révolution quantique demain. Rendez-vous toujours à la même heure, à 16h, pour la science CQFD. Mais il est temps d'abord de retrouver Pierre Aupert qui nous parle d'un tout autre sujet, qui nous parle du gigantopithèque. C'est la chronique avec science. « l'idée de singes gigantesques a toujours fasciné. King Kong, le Yeti ou encore Bigfoot peuplent mythes et folklore. Il y a pourtant bel et bien eu un très grand singe en Asie du Sud-Est, haut de plus de 3 mètres, pesant plus de 250 kilos. Il fait passer le gorille et son 1,60 m pour un petit spécimen. On découvre l'existence de ce très grand primate en 1938. Le chercheur allemand von Königswald tombe chez un apothicaire chinois sur une dent vendue en tant qu'os de dragon, que lui identifie immédiatement comme appartenant à un singe. C'est à partir de là qu'il déduit l'existence passée d'un très très grand primate qu'il nomme Gigantopithecus blackie. Depuis, les scientifiques ont retrouvé près de 2000 dents de ce gigantopithèque, mais pas de squelette complet, à l'exception de quelques morceaux de mâchoire inférieure. Les chercheurs et chercheuses, bien sûr, ne désespèrent pas de trouver un jour un squelette du gigantopithecus, mais s'il n'y a jusqu'ici que des dents, c'est en raison d'un autre animal, bien plus petit, le porc-épic. Ces rongeurs couverts d'épines ont une fâcheuse tendance à apprécier les squelettes, y compris ceux des grands singes, qu'ils ramènent dans des grottes avant de les ronger avec avidité. Seules les dents trop solides sont épargnées par les porcs-épics. Et c'est grâce à elles, en fait, que les scientifiques ont pu étudier le gigantopithecus. Ils ont compris, par exemple, qu'il s'agissait d'un lointain cousin de l'orang-outan. Mais un mystère demeurait pourtant. Comment le gigantopithecus a pu disparaître alors que d'autres grands singes, comme le gorille, par exemple, ont eux survécu? La réponse a été trouvée grâce aux dents, comme l'explique le géochronologue Renaud Johannes Boyau, professeur à l'université australienne Southern Cross et co-auteur d'une étude parue sur le sujet dans la revue Nature. Il faut tout comprendre et tout extrapoler de la vie de Giganto, de à quoi il ressemblait, ce genre de choses, grâce à quelques milliers de dents, et c'est tout. Donc nous coupons les dents en deux avec une lame en diamant très très très précise de 200 microns, ce qui correspond à deux fois l'épaisseur d'un cheveu humain. L'émail dentaire chez les grands singes, en incluant l'homme, va grandir d'une ligne de croissance journalière. Et donc, on arrive à avoir des images géochimiques des éléments qu'on peut relier aux bandes d'émail de croissance. Donc, si on a la marque de la naissance, par exemple, qui est une marque de stress dans les dents, donc on peut identifier la naissance très facilement, et bien on peut compter pour voir à quel moment le juvénile a cessé, par exemple, de téter, à quel moment il a commencé à manger de la nourriture solide. On peut voir à quel moment il y a eu des stress très graves, des stress chroniques, des changements alimentaires, et on peut le faire quasiment au jour le jour. En plus des dents retrouvées dans des grottes, les scientifiques ont également analysé les différentes couches sédimentaires qui les entouraient, et notamment le pollen fossilisé. C'est ce qui leur a permis de comprendre que, il y a plusieurs centaines de millénaires, l'Asie est peu à peu passée d'un climat constamment humide à un climat plus saisonnier, notamment en raison des moussons. D'après les résultats de l'étude, le gigantopithèque évoluait il y a 2 millions d'années dans une forêt très dense. Avec ce changement climatique, il y a environ 700 000 ans, les écosystèmes forestiers ont peu à peu laissé la place à des plaines et les ressources alimentaires se sont raréfiées. Selon Renaud Johannes Boyau, c'est ce qui a causé la perte du gigantopithèque. Alors, nous avons des orangs-outans, ce qu'on appelle les pongos, et eux vivent proche de la canopée, c'est-à-dire la partie supérieure de la forêt. Et donc, ils peuvent accéder aux fleurs, aux fruits, aux noix, et ils ont donc un panel beaucoup plus large de nourriture. Giganto, lui, il est énorme. Donc, il ne peut pas monter aux arbres, il est au sol. Quand il se nourrit, il casse des branches ou des racines, même des arbres, quand ils sont petits. Et donc, il va se nourrir essentiellement de feuilles, un petit peu d'écorce d'arbres, et ce qui va tomber un petit peu au sol, quelques fruits, quand ça n'a pas été mangé par tous les autres animaux d'abord. Ce qui fait qu'en fait, Giganto, non seulement a besoin d'énormément de nourriture, mais il est beaucoup plus dépendant de cette forêt, il est beaucoup moins versatile que l'orang-outan. C'est vraiment quelque chose qu'on a compris grâce à cette étude, c'est que ce n'est pas juste un changement climatique, c'est ce pari évolutionnaire que Giganto avait fait de devenir très gros et d'avoir ce mode de vie est devenu nuisible à sa survie avec ce changement de végétation. Selon les analyses des paléontologues, les derniers spécimens de ces gigantesques singes auraient ainsi disparu il y a maintenant 250 000 ans en raison du changement climatique, mais surtout de leur incapacité à s'adapter. Pour les scientifiques, cette étude peut avoir des implications sur la préservation des grands singes qui existent toujours, comme les gibbons, les orangs-outans ou encore les chimpanzés. Leurs travaux permettent de réaliser que, face au changement climatique, préserver les forêts et des espaces de vie pour ces primates ne suffira peut-être pas à les sauvegarder et qu'il convient donc, à l'aune de la 6e extinction des espèces, de l'anticiper. Merci Pierre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD et merci à Élise Le aujourd'hui à la technique. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Le langage est une machinerie complexe.